Dossier 2. Leçon 1. Donner une explication. Activité 9. 1. Parce que j'adore le bon pain. 2. Parce que je ne travaille pas. 3. Parce que j'étudie l'économie. 4. Parce qu'il y a beaucoup de monuments. 5. Parce que je voudrais des informations. 6. Parce que j'ai la double nationalité.